Yeah. Abi. Gigi. E sai. Elle est cette perle rare que j'ai croisée par hasard. Un de ces jours où pour moi l'amour se faisait rare. Miroir, miroir, dis-moi tu aurais pu croire qu'à son égard de l'amour j'allais voir. Je t'aime chérie, est-ce que je te l'ai dit? En tout cas ce morceau, bah je te le dédie. Tu sais, j'aime beaucoup de choses chez toi, mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est toi. Je sais, je ne suis pas le mec idéal, mais moi je t'aime, est-ce que penchent les gens, ça m'est égal. Je veux t'aimer intensément, avouer mes sentiments. Faut pas qu'on se prenne la tête, je veux juste passer devant mon moment. Damn, damn, do you really know who I am? Am, I don't wanna be just your friend. But make it love all the weekend. Damn, damn, do you really know who I am? Am, I don't wanna be just your friend. But make it love all the weekend. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. And on the weekend, you give me something more, please. Knock on my door, serious. I was nothing before. À nos prises de tête, j'y pense sans cesse. Je veux sortir de ma tête tous ces mots qui te blessent. Tu sais à quel point je suis têtu. Alors laisse-moi le temps de cogiter, de réaliser que t'es ma destinée. Comme je dis, je ne suis pas le rappeur lover. Je suis juste un gars qui aime intensément sa copine. Elle est si belle, elle m'est fidèle. Je ne veux aimer personne d'autre à part elle. Sans elle j'ai mal, mon cœur s'emballe. Ouvre-moi les portes de ton amour, mi amour. Je vais pas dire je t'adore, mais toi et moi, je veux que ça dure. Et ça, jusqu'à la mort, c'est ça. Damn, damn, do you really know who I am? Am, I don't wanna be just your friend. But make it love all the weekend. Damn, damn, do you really know who I am? Am, I don't wanna be just your friend. But make it love all the weekend. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. And on the weekend, you give me something more, please. Knock on my door, say yes. I was nothing before. Baby, faut s'envoler. Baby, faut changer. Baby, faut se lâcher le corps d'amour. Baby, faut s'envoler. Baby, faut changer. Baby, faut se lâcher le corps d'amour. Ah oui, c'est toi que j'aime, j'ai le cœur plein rempli que de toi, baby, je t'aime. Mes sentiments sont comme un aimant que tu attires, attires. Laisse-moi te poser ces questions qui me tournent en tant que je voulais te dévoiler depuis longtemps. Maintenant, c'est à toi de me dire si tu m'aimes ou pas. C'est ça. Damn, damn, do you really know who I am? Am, I don't wanna be just your friend. But make it love all the weekend. Damn, damn, do you really know who I am? Am, I don't wanna be just your friend. But make it love all the weekend. Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. And on the weekend, you give me something more, please. Knock on my door and say yes. I was nothing before.